Alors à présent, on va voir ce que nous dit l'oracle de Béline pour les Verseaux pour le mois de mai 2022. Donc, quel est le message de l'oracle de Béline pour le mois de mai 2022 pour les Verseaux? Ah! Alors, c'est un peu énigmatique. Découverte en fait, cette carte du hasard, c'est la carte de la Providence aussi. Apparemment, il y a une chance qui va vous être proposée, une perche à saisir. Alors, on va voir ce que nous dit le tirage. Donc, pour les Verseaux, le mois de mai 2022. Que nous dit le tirage? Que je fais dans les conditions du direct, c'est-à-dire que je ne recommence pas le tirage. Donc, une chance proposée. Pire du changement pour vous au mois de mai. Alors, par rapport à mi-Verseau, il y a une certaine sécurité affective pour vous au mois de mai. Et pour ceux qui sont solitaires, eh bien, apparemment, il y a la fin de la solitude qui est annoncée ici à la suite d'une nouvelle rencontre, un changement et une relation généreuse qui s'annonce. Donc ici, on a affaire à un tirage affectif, plutôt amoureux. Pour les Verseaux en couple, je dirais que apparemment les relations vont encore s'améliorer. Vous allez peut-être amener un peu de piment, de changement dans le quotidien, ce qui va vous rapprocher. Et en tout cas, pour les Verseaux célibataires, eh bien, une nouvelle rencontre peut changer la donne et vraiment vous réjouir. Alors, profitez-en.